Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le rêve révolutionnaire de Rosa Luxembourg, Rosa la Rouge. On comprend très bien que cette personne, cette jeune fille juive, polonaise et en plus boiteuse, au bas de la hiérarchie sociale, trouve dans l'idée de révolution un point d'appui pour exprimer sa personnalité. L'auteur et historien Max Gallo à l'émission Double Expresso en février 1993, plus qu'un idéal politique, la révolution serait donc pour Rosa Luxembourg un idéal de vie, une manière de se sortir de la marge et de la condition miséreuse dans laquelle la société l'a confinée. Cette théorie avancée par Max Gallo sera partagée par d'autres intellectuels et penseurs, la philosophe allemande Hannah Arendt, par exemple. Nous avons là quelqu'un qui a dénoncé ce qui est encore en œuvre aujourd'hui. Et que ça n'est pas du tout pour moi un personnage mort, né le 5 mars 1871, mort le 15 janvier 1919. C'est un personnage tout à fait vivant pour une simple raison, c'est que c'est un personnage qui n'a jamais capitulé devant la vérité. C'est quelqu'un qui a su en somme associer l'engagement personnel dans le cri de rébellion et en même temps la lucidité impitoyable à l'égard d'elle-même, à l'égard des autres. La chanson « Auf, auf, zum Kampf » fait un hommage à Rosa Luxembourg et à Karl Liebknecht. Juste avant, vous entendiez à nouveau l'auteur et historien français Max Gallo, cette fois l'émission « Le biographe et sa passion » diffusée en août 1993. Pour nous présenter la pensée, le parcours pour le moins singulier également de Rosa Luxembourg, je reçois l'historien André Champagne. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Revenons un petit peu à ce qu'évoquait Max Gallo, à cette association. C'est vrai qu'on associe tout de suite ce nom-là, celui de Rosa Luxembourg, à cette idée de révolution. Qu'est-ce qu'elle représente? Cette figure-là, aujourd'hui, encore, dans nos imaginaires collectifs, dans notre imaginaire collectif. L'intellectuelle révolutionnaire, parce que c'est d'abord une intellectuelle, c'était une, on l'appelait la Herr Doktor, elle avait un doctorat en sciences économiques, elle avait une formation en mathématiques, elle enseignait à l'école des cadres du Parti social-démocrate allemand, mais c'est d'abord et avant tout une intellectuelle révolutionnaire totalement dévoué à la cause du prolétariat, non seulement allemand, mais du prolétariat européen en général, pour qui le capitalisme était l'ennemi à abattre et pour qui le capitalisme ne pouvait générer rien d'autre que des inégalités. Et en bonne disciple de Marx et d'Engels, elle était convaincue que, oui, les pauvres étaient plus pauvres, les riches étaient plus riches, et que la seule façon de construire une société plus juste, plus égalitaire, c'était justement de faire la révolution pour justement retirer le pouvoir économique à la bourgeoisie puis à l'aristocratie terrienne. On y reviendra, mais elle va écrire beaucoup, vous le dites, c'est une penseuse, c'est une théoricienne. Une de ses idées fortes, c'est de dire que le capitalisme n'a pas cette capacité de se renouveler, il faut l'implosion, il faut la révolution. Ça va être au cœur de sa pensée. Parlons un petit peu de ses origines, parce que c'est important. Max Gallo en parlait un petit peu dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Juive, polonaise. De quel milieu elle est originaire? Elle est née à Zamosk, en Pologne, mais la partie orientale de la Pologne, qui à l'époque était occupée par la Russie, parce que la Russie, l'Autriche et l'Allemagne se sont partagés la Pologne à la fin du 18e siècle. Donc, elle vivait à Zamosk. Son père était marchand de bois. Sa mère était une fille de rabbin. Donc, elle venait d'un milieu pas privilégiée, mais d'un milieu relativement aisé. Mais elle, elle était attirée par la lecture, par les débats d'idées. Ouais. Et puis aussi, étant donné son infirmité, parce qu'elle, vers l'âge de 4 ans, 4-5 ans, elle boitait. Donc, on lui a mis une jambe dans le plat pendant une année. Résultat, il y en a une qui a grandi alors que l'autre n'a pas grandi. Donc, elle a eu ce problème de claudication jusqu'à la fin de sa vie. Mais en 1873, ses parents déménagent à Varsovie. Et là, à Varsovie, au contact d'autres intellectuels juifs dans les écoles, dans les lycées, et aussi, elle entre en contact avec les idées révolutionnaires. Ouais. Et puis, elle décide justement de se consacrer à la révolution. La Pologne est occupée par la Russie. Elle est juive. Ouais. L'antisémitisme est très fort en Russie, particulièrement dans cette partie de la Pologne. Et elle est une femme. Donc, pour toutes ces raisons-là, elle décide de s'insurger contre l'injustice en général. Et ça rejoint ce que Max Gallo disait. Anna Arendt va aller dans le même sens. Elle n'est pas seule là, cette petite communauté juive persécutée du côté des perdants. Donc, il faut dire aux éditeurs, c'est qu'à la fin du 19e siècle, bon nombre de socialistes européens sont des intellectuels juifs. Les premiers colons sionistes, ceux qui venaient de Pologne, ceux qui venaient d'Ukraine, ceux qui venaient de Russie, non seulement ils étaient sionistes, mais ils étaient de gauche, c'était des révolutionnaires. Parce que, justement, placés dans une situation, ils comptent parmi les défavorisés, la révolution devient un moteur, une façon de s'en Exactement. Sortir. Exactement. Ouais. Concrètement, l'action politique, ça arrive quand, dans quel contexte? Elle décide de prendre la nationalité allemande à la fin du 19e siècle. Elle fait un mariage en blanc avec un intellectuel qui s'appelle Gustave Lübeck. Et là, immédiatement, elle se met au service du Parti social-démocrate allemand. Et elle est extrêmement intéressante pour le PSD parce que, elle est brillante, elle parle l'allemand, elle parle le polonais, elle parle le russe, elle est polyglotte, elle a une facilité pour l'écriture. Elle peut écrire autant des articles pour la presse du PSD que des ouvrages théoriques. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle décide de s'installer en Allemagne vers 1898-1899, le Parti social-démocrate allemand est vraiment en train de traverser une grande remise en question qu'on appelle la crise révisionniste. Parce que vous avez un des intellectuels du PSD, Edward Bernstein, qui, lui, est convaincu que l'idée de Marx, que les pauvres seront de plus en plus pauvres et les riches seront de plus en plus riches, s'est remis en question par l'émergence des classes moyennes. Mmh. Lui, il croit que le développement du capitalisme génère de la richesse, permet l'émergence d'une espèce d'aristocratie ouvrière, permet l'émergence des classes moyennes et que par le bulletin de vote, éventuellement, étant donné que le prolétariat, c'est la classe la plus nombreuse, étant donné que l'Allemagne va se démocratiser de plus en plus, donc lui, il croit que le temps des révolutions, des affrontements armés contre la bourgeoisie, contre l'aristocratie, c'est terminé et qu'il faut tout simplement adopter un programme réformiste. Alors, elle s'insurge contre ça parce que pour elle, non, jamais... C'est pas possible. À ses yeux, non. Exactement. Et elle va écrire un ouvrage extrêmement important qui s'appelle justement « Réforme sociale ou révolution » et pour elle, c'est la révolution. Et jusqu'à la fin, ce sont les idées qu'elle va faire. Et le drame de Rosa Luxembourg, puis le drame du Parti socialiste allemand, c'est que le Parti socialiste allemand va éventuellement adopter les thèses révisionnistes. Et c'est un parti qui va devenir tout simplement un parti de pouvoir. Et c'est ça, donc, la fameuse querelle, cette crise existentielle des socialistes allemands. C'est d'un côté, donc, les jusqu'au boutistes, ceux qui disent la seule façon de changer les choses, c'est la révolution, le clan de Rosa Luxembourg. Et les autres qui disent non, à l'intérieur même du système, on peut changer les choses. Il y a, évidemment, dans son parcours, c'est le début du 20e siècle. Quand on regarde la vie de Rosa Luxembourg, on voit aussi différents jalons importants. Le premier, ce sera probablement la révolution russe de 1905. Ça marque vraiment un virage important. C'est un jalon important dans son parcours, dans sa pensée. On écoute à ce sujet le sociologue Jacques Mascotto à l'émission Socialisme et socialiste diffusée en 1982. La révolution russe confirme ses thèses sur la grève de masse comme arme la plus importante pour la révolution. C'est que la grève de masse, parce qu'elle est un processus, c'est la première fois que quelqu'un montre très bien le mouvement socialiste que la révolution, par exemple, ne vient pas du jour au lendemain. Elle ne se décide pas dans les cabinets, dans les partis, dans le cerveau des dirigeants. La révolution, c'est un processus qui part de grèves locales, partielles, qui s'engendre de lui-même et qui aboutit objectivement à un mouvement global du prolétariat. Donc, la grève de masse, c'est le résultat de plusieurs luttes revendicatives incessantes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de distinction entre la moindre petite grève économique ou la grande grève. c'est de la partie d'un même tout, n'est-ce pas ? Et le tout est dépendant de ces parties qui s'accumulent. Et la révolution russe de 1905, où il y avait des grands débordements de foule dans les villes, où il y avait des grands soulèvements paysans, c'était l'argument rêvé pour elle, pour montrer au Parti social-démocrate allemand qu'est-ce qu'il fallait faire pour faire une vraie révolution. De quelle manière elle va vivre? Parce qu'elle va aller en Pologne. Elle retourne à Varsovie. Ouais, de quelle manière elle vit cette révolution de 1905? Alors, et quelle leçon elle en tire, André? Bon, alors, elle est enthousiasmée, étant donné que c'est un mouvement spontané. C'est un mouvement. La révolution russe de 1905, c'est une révolution qui n'a les ouvriers de Saint-Pétersbourg, les ouvriers de Moscou n'ont pas attendu de directives des partis révolutionnaires pour justement se mettre en grève. Et ça, c'est la vision car aux Alexandre de la révolution. Et aussi, ça vient du peuple. Et les ouvriers et les paysans vont littéralement, surtout les ouvriers, vont constituer des conseils ouvriers. Et ça va, c'est ce qui va vraiment l'amener à développer sa théorie de du spontanéisme révolutionnaire et que la révolution vient des masses. Mais parallèlement à ça, en Pologne, il y aura une volonté de le PSD va devoir revendiquer l'indépendance nationale de la Pologne. Et elle va s'opposer à cette indépendance-là parce qu'elle va dire, si la Pologne devient indépendante, c'est la bourgeoisie puis l'aristocratie qui vont récupérer le pouvoir et au détriment du prolétariat puis de la paysannerie pauvre. Donc, elle s'oppose à ça. Mais ce qui est extrêmement important dans son interprétation de 1905, c'est l'idée qu'une grève générale peut éventuellement jeter le régime capitaliste par terre. Ouais. Où se situe, puisqu'on parle de la révolution de 1905, celle de 17 suivra, où se situe une Rosa Luxembourg par rapport à un Lénine? On écoute à ce propos, ça va peut-être vous étonner, la jeune, à l'époque, la jeune journaliste Denise Bombardier, à l'émission Femmes d'aujourd'hui, en 1969. Au début de la création de la social-démocratie, elle est entrée en conflit, toujours sur le plan théorique, pas sur le plan personnel, avec Lénine. Justement parce que Lénine disait qu'il fallait un parti très fort, avec une structure, le comité central très puissant. Et elle disait, c'est dangereux, ça peut mener à une bureaucratie, il ne faut pas oublier les masses. En ce sens-là, elle avait pratiquement prévu le stalinisme. Elle disait qu'il faut faire confiance aux masses, il faut se fier à la créativité des masses. Elle avait un respect très grand pour la masse. Elle disait justement, un jour, on raconte qu'il y avait une de ses amies qui avait des problèmes personnels et qu'elle était très touchée. Et elle a eu cette réflexion, c'est sûr que cette femme, que cette amie a est individuellement très maltraitée parce qu'elle avait eu des conflits avec son mari ou je ne sais pas qui. Mais elle avait dit, je pense que les problèmes de la société, les problèmes des travailleurs sont encore plus grands que ceux des individus. Je pense qu'en ce sens-là, l'influence intellectuelle de cette femme-là est très grande et exceptionnel par rapport à l'influence que les femmes ont eue en général dans les mouvements intellectuels depuis fort longtemps. Bon, il y a deux choses intéressantes dans ce qu'on vient d'entendre, André Champagne. L'importance qu'aura Rosa Luxembourg comme femme dans ce mouvement révolutionnaire, elles ne sont pas si nombreuses. Et puis le rapport qu'elle a à Lénine. Commençons par là, on reviendra sur la question féminine dans un instant, mais comment la situer par rapport à Lénine? Parce qu'en 1903, Lénine a écrit un ouvrage qui s'appelle « Que faire? » dans lequel il expose sa théorie du Parti révolutionnaire. Pour Lénine, le prolétariat, laissé à lui-même, ne peut développer qu'une conscience très unioniste, syndicaliste. Le prolétariat doit être dirigé par des intellectuels révolutionnaires, des professionnels de la Révolution, qui, eux, doivent dire aux ouvriers quoi faire au moment où la Révolution... Il y a une forme d'élitisme. Il y a un élitisme, mais aussi, c'est ce que les communistes vont appeler le centralisme démocratique. Ouais. C'est que les ordres viennent du sommet vers la base, et puis la base n'a qu'à obéir. Rosa Luxembourg dit à Lénine, tu n'as pas confiance aux masses ouvrières, tu n'as pas confiance à la spontanéité révolutionnaire des masses. Et là, elle va s'opposer à Lénine jusqu'à la fin, mais... Retour de l'histoire, au moment où la Révolution surgit en Russie, elle se rend compte que c'est Lénine qui avait raison. Parce que ce qui va manquer au Parti communiste allemand, anciennement le mouvement spartakiste, c'est justement des professionnels de la Révolution totalement dévoués et capables d'organiser la lutte dans la clandestinité. Donc, elle va débattre avec Lénine au début du siècle. Éventuellement, ils vont se rallier en 1907, parce qu'en 1907, lors d'un des congrès de l'Internationale socialiste, des intellectuels de gauche, comme justement Lénine et Rosa Luxembourg, voient très bien que la menace de guerre se précise, qu'il y aura éventuellement une guerre, et elle et lui vont tout simplement proposer qu'advenant une guerre, les ouvriers pourraient tout simplement refuser de participer et pourraient tout simplement profiter du contexte de guerre pour s'emparer du pouvoir. Un petit mot sur la question féminine, André. Quel poids elle aura, Rosa Luxembourg, comme femme dans ce mouvement révolutionnaire allemand? C'est pas une question sur laquelle elle va écrire d'ouvrages, d'articles théoriques, tout et tout. C'est sûr qu'elle elle est complètement minoritaire, mais fait étonnant, chez ces intellectuels socialistes, il y avait quand même un certain respect pour les femmes intellectuelles comme elle, comme Clara Zetkin. On se rappelle la grande révolutionnaire française, Louise Michel, mais c'est pas vraiment une question qu'il a posée. Oui. Elle, c'est vraiment... Elle a vraiment une constante, une obsession, la révolution. Alors, Prof Champagne, on va y aller parce qu'elle publie beaucoup. On va y aller un petit peu en cascade sur des marqueurs importants, des dates importantes, des ouvrages importants. 1913, l'ouvrage L'accumulation du capital, peut-être son plus important, dites-vous. C'est son livre, sur le plan économique, c'est son livre le plus important. En fait, elle a tout simplement mis en livre les enseignements qu'elle donnait à l'école du parti de l'ESPD, le Parti social-démocrate allemand. Elle en a fait une espèce de livre théorique sur le fonctionnement du système capitaliste tel qu'il était à la fin du 19e, au début du 20e. Oui. C'est considéré par les marxologues comme un ouvrage important. Mais c'est comme le capital de Karl Marx, c'est comme le capital financier de Hilferding. C'est aride. Oui. Honnêtement, c'est particulièrement ardu. Ouais. Autre texte important, la brochure, ce qu'on appelle la brochure de Junius, qu'elle écrit en prison. Ça va servir, ce texte-là, de base idéologique à ce qu'on va appeler la Ligue Spartacus. C'est majeur, Junius, parce qu'en 1914, au moment où la guerre se déclenche entre l'Autriche-Hongrie et la Serbie, entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne et la Russie, l'Angleterre contre l'Allemagne, c'est qu'on assiste à ce qu'on va appeler la trahison des partis socialistes. C'est que les partis socialistes européens vont voter les crédits de guerre, vont opter pour l'Union nationale et vont tout simplement communier avec les bourgeoisies, avec les aristocrates, avec les monarques pour faire la guerre. Et pour Rosa Luxembourg, pour Lénine, ça, c'est une trahison. Ouais. Et dans Junius, c'est ce qu'elle dénonce. Et elle dénonce particulièrement le PSD parce qu'en août 1914, tous les députés du PSD, à l'unanimité, ont voté les crédits de guerre, alors qu'en 1907, ils s'étaient engagés à faire une espèce de grève advenant la guerre. Grève générale. Autre ouvrage, et c'est le dernier qu'on va aborder aussi directement, qu'elle va écrire, parce qu'elle retourne en prison en 1916. C'est là qu'elle va donc écrire son dernier texte, La Révolution russe, un texte qui va être publié, qui ne sera publié qu'après sa mort. Oui, c'était en français, c'est en 69. En français, c'est fou. 1969, en fait, en français. Ce sont des articles qu'elle a écrits. Par exemple, elle va reprocher à Lénine d'avoir proclamé le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour que toutes les différentes nationalités s'insurgent puis se séparent du régime tsariste. Elle va dénoncer l'abolition de l'Assemblée constituante par les bolcheviks en janvier 1918 et elle va tout simplement reprocher à Lénine d'employer un peu trop la violence et la terreur. Mais il faut dire une chose, c'est qu'elle est en prison. Les informations lui arrivent au compte-gouttes. Ouais. Donc oui, c'est un ouvrage important parce que c'est une réflexion sur la Révolution de 1917, mais en même temps, certaines données lui manquent. Mais sa prise de position contre le mouvement des nationalités, sa prise de position contre l'abolition de l'Assemblée constituante, ce sont des textes qui rejoignent le fond de sa pensée depuis qu'elle écrit des articles à caractère théorique. Et puis ce livre-là, elle l'écrit en prison, mais ça part par petite dose. Là. Par petite dose, oui. Ce sont des courts chapitres d'environ 15 ou 20 pages. Ce sont des gens qui viennent la voir. Elle met dans leur poche, elle dissimule dans leur poche les textes qui sont éventuellement publié. Elle sort de prison en 1918. Que devient Rosa Luxembourg dans les derniers mois de sa vie, parce qu'elle sera assassinée un peu plus tard, comme militante, parce que c'est l'époque où elle milite vraiment à la Ligue Spartacus. Bon, ce qui est arrivé, c'est que Guillaume II a tout simplement abdiqué. Il a laissé le pouvoir à un gouvernement civil dirigé par le Parti socialiste allemand, le PSD. Hébert devient le président. Et elle sort de prison le 8 novembre. Et immédiatement, elle rejoint Karl Liebknecht, avec qui elle avait fondé le mouvement spartakiste à fin 1916, début 1917. Et ce qu'elle remarque, c'est que le parti socialiste, le parti dirigé par Hébert, c'est un parti qui est prêt à composer avec l'armée, avec la bourgeoisie, et qui veut tout simplement assurer une espèce de transition démocratique et qui ne veut pas faire la révolution. Alors qu'à Berlin, dans les grandes villes, dans les villes portuaires, des ouvriers, des marins sont en pleine révolution. Et à Berlin même, il y a une partie du prolétariat qui veut, ouais, qui veut justement procéder à la révolution prolétarienne, à la révolution bolchevique. Le problème, c'est que le PSD, lui, s'oppose catégoriquement à cette idée-là. Hébert dira « Je hais la révolution comme la peste ». Il va même faire un pacte avec l'armée pour écraser la révolution. Et étant donné que le PSD ne veut pas rallier cette idée-là, les Spartakistes et certains membres du Parti socialiste indépendant qui avait été créé au début janvier 1917 vont tout simplement décider entre le 29 et le 31 décembre 1918 de fonder le Parti communiste, ouais, allemand. Et ce parti, malheureusement, dirigé par Liebknecht et Rosa Luxembourg, va très mal évaluer le rapport de force qui règne à Berlin. Ils vont tout simplement lancer des appels à la révolution. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encadré, ouais, ils n'ont pas encadré, ouais, la classe ouvrière. Et face à eux, vous avez ce qu'on appelle les corps francs, les Freikorps, c'est-à-dire 100 000 soldats et officiers de l'armée allemande que les Britanniques et les Français avaient autorisés, ouais, justement pour écraser tout mouvement révolutionnaire, parce que ce que les Britanniques, ce que les Français, puis ce que la grande bourgeoisie allemande craignait, c'était ouais, que l'Allemagne suive le modèle de la Russie. Et début janvier, ils vont lancer des mots d'ordre révolutionnaires. Le problème, c'est que ces ouvriers-là sont désarmés. Les Freikorps vont littéralement... Échec total du mouvement, avec un résultat pour Rosa Luxembourg. Puis on termine l'émission là-dessus, mais tragique. Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1919, c'est la fin. Elle est, Rosa Luxembourg, assassinée à Berlin. Le 14 janvier, Rosa Luxembourg et Liebknecht sont arrêtés dans la maison où ils se cachaient dans le centre de Berlin et emmenés à l'hôtel Eden, près du Tiergarten, pour être interrogés. Ils seront assassinés dans la nuit par les membres d'un corps franc. Le jour même, Rosa avait écrit « L'ordre règne à Berlin. Tous les demi-siècles, les gardiens de l'ordre lancent ainsi dans un des foyers de la lutte mondiale leur bulletin de victoire. Sbire stupide, votre ordre est bâti sur le sable. Dès demain, la révolution se dressera de nouveau avec fracas, proclamant à son de trompe pour votre plus grand effroi. J'étais, je suis, je serai. » Nous avons voulu aller revoir le pont d'où l'on avait précipité son corps dans le canal et qui se trouve au pied du plus grand hôtel de Berlin actuel. Il a été détruit par une bombe en 1945. Mais l'eau, elle, est toujours là. Au fil de l'eau, vogue la fille noyée. Des ruisseaux perdus vers les grandes rivières. Comme pour apaiser le corps abandonné, le ciel se teintait d'une étrange lumière. La ballade de la fille noyée de Kurt Weill, une chanson inspirée par la mort de Rosa Luxembourg. C'est la chanteuse Pia Colombo que vous entendiez dans cet extrait. Juste avant, vous entendiez Marcel Blouval dans un extrait du documentaire Rosa Luxembourg, réalisé en 1973. Tragique fin pour cette révolutionnaire, pour Rosa la Rouge. Pourquoi, André Champagne, l'assassine-t-on? Parce qu'elle incarne le bolchevisme. Et fin 1918, début 1919, la classe dirigeante allemande, que ce soit la grande bourgeoisie, que ce soit les grands propriétaires terriens, que ce soit les généraux, non seulement ils sont confrontés à la défaite qu'ils n'ont pas vu venir, mais surtout, ils craignent que la révolution telle qu'elle s'est développée en Russie ne déferle sur l'Allemagne. Alors pour eux, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht sont l'incarnation du bolchevisme. Et ça, pour eux, c'est inacceptable, c'est intolérable. Et on croit qu'en les assassinant, on vient, ouais, tout simplement d'empêcher le déferlement d'une révolution de type bolchevique en Allemagne. André Champagne, historien, collaborateur régulier de l'émission. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.